appuie sur pause, le temps d'un arrêt. Lève un applause pour les distraits. Fais le café avec un thé vert. Crée la vie et des frites. Réponds à tout et ne pense à rien. Mange de tout et garde la faim. Brûle une forêt avec un verre d'eau. Baise la mort et ta prof. Sans moi je sais rien. Sans toi je sais quoi. Sans eux on saurait rien. Calcule donc, fais ma part. Touche le début et mange la fin. Regarde-toi dans un reflet sombre. Envole-toi avec une fronde. Parle tout bas avec tes trois yeux. Extermine les couleurs. Sans moi je ne sens rien. Sans toi tu sens comme toi. Sans eux c'est plus que deux. Que fait-on? Fais mon pas. Tu peux pas, autant pour moi, lis ta revue et mange du pain. Si tu peux pas, tant pis pour toi, touche le début et mange la fin. Si tu peux pas,